d'être assis à droite du père, à gauche du frère. C'est drôle. Ah, ben là, c'est moi qui est assis à la gauche du père. Pourquoi le Christ est-il descendu aux enfers? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Mais là, c'est pas moi qui réponds. Toi, tu poses des questions, là. C'est moi qui... Je suis passé. Dans le texte ici, on a que le Christ, le Nazaréen, est descendu aux enfers lorsque le corps de Jésus était sur la croix. Qu'est-ce que l'enfer? Je pensais qu'on était dessus. Oui, il y a énormément d'individus, effectivement, qui passent une partie de leur vie à se plaindre. Et lorsqu'ils ont... Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient entendu sur les plaintes, eh bien, ils finissent par descendre l'enfer sur la planète Terre, et puis là, ils peuvent continuer à se plaindre encore un petit quelques années en disant, eh bien, nous sommes en enfer, finalement, sur la Terre. La Terre, c'est l'enfer. Mais ça, c'est une question de point de vue. Quand tu ne connais pas l'enfer, tu ne peux pas dire que tu es dans l'enfer. Mais quand tu dis descendre l'enfer sur la Terre, c'est donc l'enfer est plus haut que la Terre? C'est que l'enfer, elle est... Qu'est-ce qu'on parle de descendre, évidemment. Nous devons monter l'enfer sur la Terre, si tu préfères. Ou l'amener de gauche vers la Terre. Oui. L'enfer, c'est très simple, l'enfer. L'enfer, ça se trouve n'importe où. Même le paradis, il y a l'enfer dans le paradis. Le paradis, c'est une condition psychologique où tu es endormi. Et l'enfer, c'est une condition où tu n'es plus endormi. Simple. Alors, un individu peut vivre à Montréal, peut vivre à Longueuil, peut vivre au Canada, peut vivre ailleurs sur la planète, et être au paradis, c'est le bonheur. Jusqu'au jour où il découvre que ce qui l'entoure, dans le monde dans lequel il vit, jusqu'au jour où il découvre quelque chose d'autre de ce monde, lorsqu'il le voit sous un point de vue normalement plus réchauffé, plus évolué, plus conscient. Et là, il commence à haïr, il commence à avoir des problèmes à rester dans la condition dans laquelle il vivait, parce qu'il est trop conscient. J'ai déjà expliqué que lorsque l'être humain va dans le monde de la mort, dans le ciel, et lorsqu'il y va comme l'humain y va depuis des milliers d'années, il va normalement au paradis. Mais si, par exemple, n'importe qui dans la salle ici entrerait à sa mort dans le monde de la mort, le ciel, mais en gardant sa conscience, alors là, il serait en enfer. Donc, la conscientisation nous amène à l'enfer directement? Nous sommes totalement dans une condition absolument effarement idiote. Le monde est stupide, je ne parle pas des habitants, je parle de la création elle-même, elle est totalement inécologique, elle est totalement absurde. C'est évident que, sous certains points de vue, elle est intelligente, elle est convenable, elle est correcte. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon que l'intelligence avait de parvenir à subtiliser de la matière, quelque chose qui s'est densifié, c'est en créant des corps de matière qui auront la faculté d'animation, donc de vie, donc de croissance. La croissance permet la transmission génétique, cela veut dire que même si tu altères les véhicules physiques, tu continues à préserver ce qui a été évolué dans les corps physiques par la transmission génétique. Tu mets une arme à l'intérieur de cela, ce qui permet d'animer totalement le véhicule physique. Et à un moment donné, apparaît le mental, l'intellect, lorsque le mental est assujetti à l'ego, à l'astral, à l'âme. Et à un moment donné, encore une fois, l'intelligence qui descend, au lieu de descendre sur la matière, au lieu de descendre sur la vie, l'énergie vitale, au lieu de descendre sur la psychologie, au lieu de descendre sur le mental, finit par descendre dans un contexte qu'on appelle supramental, qui est l'Esprit Saint du Nazaréen, qui est l'énergie christique des alchimistes. Maintenant, de ce point de vue, ça a une certaine forme d'écologie. La problématique, c'est que si on se retire de la condition de l'humain, et qu'on observe son système solaire ainsi que sa planète, on trouve intelligent qu'il souffre, intelligent qu'il vive des hauts et des bas, intelligent qu'il vive entouré d'un monde totalement illusoire, un mensonge cosmique qu'on appelle le ciel. Mais si on prend le point de vue de celui qui vit là-dedans, c'est là que ça perd son intelligence. Mais de vue d'en haut, dans quel sens ça a de l'intelligence de les voir souffrir? Simplement que, premièrement, la souffrance, ça permet de préserver. La souffrance, ça nourrit premièrement le monde de la mort, ça nourrit les dieux, ça nourrit les archanges, ça nourrit les égrégores, ça nourrit les archétypes, ça permet la mécanique réincarnationnelle, ça permet à l'humain, par cette souffrance, ça lui permet de découvrir l'amour, ça lui permet de découvrir les différences de potentiel. S'il a souffert 20 degrés, eh bien, lorsqu'on élimine 10 degrés, il souffre 10 degrés de moins, alors il se croit au paradis, alors qu'il souffre encore. Mais ça permet surtout... ça permet de créer une espèce de bouclier dans le monde de la mort, un nuage où il n'y a que des mémoires de souffrance, les mémoires des martyrs, les mémoires des guerres, les mémoires des viols, des incendies, des tremblements de terre, les mémoires des épidémies, bref, tout ce que le système écologique nous envoie. Et lorsqu'une mécanique qui est en instance d'involution, qu'on appelle bien souvent une intelligence extraterrestre, qui est en involution et qui cherche dans le système de notre galaxie, enfin même dans notre univers local, qui se cherche un corps physique qui, lui, est en évolution. Ces phénomènes extraterrestres fouillent énormément de planètes, des planètes qui ont des atmosphères. Et l'atmosphère, c'est ce qui permet la mémorisation d'une expérience. Donc, c'est ce qui permet de créer un monde de la mort. Le monde de la mort, c'est ce qui permet, dans l'atmosphère, d'engendrer le retour réincarnationnel de l'expérience du passé, ce qui permet au passé de vivre continuellement dans le présent, ce qui engendre l'évolution d'une génétique biologique. Donc, les phénomènes extraterrestres recherchent des planètes à atmosphère sur des milliers de soleils. Certains soleils ont des planètes qui peuvent avoir des atmosphères. La majorité des soleils n'ont même pas de système planétaire. Et lorsque ça approche du contexte de notre planète, ça pénètre le monde de la mort, premièrement, avant d'arriver à considérer l'humain comme il est. Et lorsque ça perçoit la génétique de l'humain, c'est intéressant. Mais lorsque ça perçoit le vécu psychologique de l'humain, lorsque ça perçoit tout ce qui se passe dans le monde de la mort, les karmas, les haines, les ceci, les cela, eh bien, les mécaniques extraterrestres restent convaincus que ça ne peut pas être la Terre qui est la supportrice d'une condition évolutive animale humaine ou encore intelligente. Alors, les extraterrestres, normalement, ça va voir ailleurs. Donc, le monde de la mort nous sert à nous protéger, ça devient un bouclier? Oui, le monde de la mort nous préserve notre génétique, c'est-à-dire qu'il préserve nos corps physiques ainsi que notre descendance d'une pénétration extraterrestre. Et cette pénétration ferait en sorte que les corps physiques seraient volés par l'intelligence extraterrestre qui essaierait de bloquer son involution jusqu'à de la matière en s'associant à un corps physique humain. Donc, au lieu de descendre jusqu'à la matière pour refaire ce que nous avons déjà fait, elle pourrait voler, donc expulser l'âme qui habite un corps physique humain, l'envoyer dans son monde de la mort, prendre la génétique et survivre. C'est d'ailleurs ce qui est tenté depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années par des contingences extraterrestres. Ça s'est fait il y a de cela 10 000 ans, ça s'est fait il y a de cela 5 000 ans, 2 000 ans. Ça se fait encore présentement aujourd'hui, où on essaie de ramasser certaines génétiques de certains corps physiques pour les recréer en clonage sur d'autres planètes. C'est la mécanique d'ailleurs des Elohim. Quelle est la différence entre l'intelligence extraterrestre et l'intelligence christique supramentale? L'intelligence christique est un phénomène qui se fusionne à des mécaniques ascendantes, à des mécaniques évolutives, et en se fusionnant, elle autorise ce qui est en évolution à rester dans sa conscience. Donc, si une intelligence christique ou l'énergie supramentale te touche par le biais de ton ajusteur de pensée, entre autres, elle va premièrement engendrer un double éthérique qui va te permettre de ne plus gagner le monde de la mort, donc de devenir immortel dans ta conscience, ce qui présentement n'est pas le cas. C'est pourquoi lorsque l'humain se réincarne, il ne se rappelle plus ce qu'il a été, parce que la réincarnation est la pluralité fusionnelle. Lorsque l'être humain meurt, il gagne le monde de la mort et il se dissout dans le monde de la mort comme son corps se dissout dans le monde de la matière. Les religions disent que lorsque l'être humain meurt, il rencontre ce qu'il a aimé pour l'éternité. Il se fusionne à eux, la religion ne le dit pas, et finalement, l'individu perd totalement sa conscience pour devenir totalement autre chose. Lorsque l'être humain a un contact avec l'intelligence supramentale, celle-ci va anégoïser l'âme, c'est-à-dire qu'elle va lentement restructurer l'ego. Donc, anégoïque veut dire sans ego, anégoïsation vers l'état, sans ego, une âme pure, et elle va restructurer l'ego pour en créer un double moronciel, un double éthérique, un double qui va être à l'image exacte de la conscience de l'individu et qui va permettre à la conscience de cet individu dans l'âme, lorsque le corps physique meurt, de ne pas gagner le monde de la mort, mais d'être attiré par le double éthérique pour vivre par la suite une réincarnation unitaire. Lorsque cela se fait, l'individu se rappelle totalement ce qu'il a été. Une intelligence extraterrestre, une intelligence qui évolue, mais qui, elle, lorsqu'elle touche l'humain, se fusionne à l'humain et digère l'humain. C'est-à-dire que lorsque tu as été fusionné à une intelligence extraterrestre, tu n'as plus aucune conscience, tu n'en auras plus jamais non plus, de ce que tu as été en tant qu'humain, c'est-à-dire que toi, en tant qu'individu, tu es totalement banni, digéré ou expulsé, et c'est maintenant le même corps avec une autre forme d'intelligence qui maintenant l'habite et qui va agir en fonction de territoire extraterrestre et non pas en fonction d'une écologie planétaire. Qu'est-ce qui se passe avec notre conscience à ce moment-là? Lorsque tu te fais, premièrement, la majorité des extraterrestres vont essayer de voler une génétique en fécondant des femmes, Donc, c'est l'enfant qui serait normalement investi d'une partie du monde de la mort de notre planète, donc d'une âme traditionnelle, et d'une partie de conscience extraterrestre. Ça arrive fréquemment aux États-Unis, surtout en Union soviétique, entre autres, puis un peu partout sur le reste de la planète, surtout au niveau de l'hémisphère nord de la planète. Et ce qui va arriver, dans ces enfants, il y aura une guerre majeure. L'enfant ne sera à peu près pas viable du point de vue psychologique sur le contexte planétaire, parce que l'ego, la partie humaine, ne voudra pas côtoyer un extraterrestre qui lui amène une vision totalement infernale de la planète, et la majorité se suicideront. Maintenant, on a aussi une autre façon de prendre la génétique, c'est de prendre des cellules d'un individu et de recréer par la suite un clone de l'individu, une génétique de l'individu pour l'habiter. Et il y a une autre façon qui a été tentée souvent, qui va être tentée encore et qui ne devrait pas fonctionner, c'est celle où on te possède simplement, comme c'est arrivé dans certains cas. Il y a encore un personnage aujourd'hui qui se promène un peu partout sur la planète, qui lui a été totalement possédé. Son ego a été totalement digéré, c'est-à-dire que l'ego était... Ce qui constituait l'humain a été totalement détruit pour constituer un véhicule extraterrestre qui permet à l'intelligence extraterrestre d'être tamponnée par l'âme de l'individu totalement zombisé. Et cet extraterrestre, maintenant, ne détruit pas le corps physique parce qu'il est tamponné par l'ancienne âme de l'individu. Alors, on a des personnages qui ont déjà vécu ce genre de choses, mais il y en a quelques-uns, et un entre autres, qui est quand même un peu plus connu, qui lui est totalement une possession extraterrestre. Tantôt, tu disais que l'intelligence christique faisait disparaître l'ego pour former un double éthérique. Est-ce que le double éthérique, lui, est en enfer, vu que c'est la conscientisation qui nous amène à l'enfer? Le double éthérique est dans un endroit qu'on appelle le plan moronciel. C'est un endroit où les âmes vont lorsque le corps physique ne peut plus les conserver. C'est un endroit où vont les âmes bien souvent pendant des opérations, lorsqu'on anesthésie d'une façon particulière le cerveau. Et tant qu'une âme est dans cette région, si on réanime le corps physique, l'âme peut revenir. Elle n'est pas morte. Si le corps meurt totalement, l'âme, lentement, va gagner le monde de la mort, donc va gagner le monde astral. Cette région, le plan moronciel, est une région d'énergie christique, d'énergie éthérique, donc d'énergie vitale, mais qui ne contient pas d'informations. Vu qu'elle ne contient pas d'informations, elle n'ouvre pas plus la conscience de l'individu, quoiqu'elle peut nourrir le corps physique ou rajeunir le corps physique. Donc, le double éthérique est dans un endroit où il n'y a aucune information, donc où sa conscience n'est existentielle qu'en fonction de la conscience de l'humain dans son corps physique sur cette planète. Ça alimente de l'énergie et pas de l'information. C'est pas de l'information, c'est comme si tu reçois des ondes radio qui n'ont pas été modulées avant, au préalable, par une voix humaine ou par quelque chose d'autre. Donc, tu entends une forme de parasite, quoique le parasite est une modulation manquée, mais des ondes radio libres n'amènent rien. Si on module, comme en modulation d'amplitude, le AM, ou en modulation de fréquence, le FM, si on module l'onde, alors là, tu auras de l'information. Dans le plan moronciel, il n'y a pas d'information, quoi qu'il y ait de l'énergie. Donc, le fait d'avoir un double éthérique ne nous met pas plus en enfer. Non. Mais avant d'en avoir un, quand est-ce qu'on vit l'enfer en tant qu'humain? L'enfer, c'est chaque fois que l'humain développe sa conscience, il pénètre en enfer, c'est-à-dire que le monde de la mort, évidemment, c'est aussi le monde astral, ça part du centre de la Terre et ça va jusqu'à la limite de la stratosphère. Et lorsque l'individu vit sur le contexte planétaire, il est nécessairement en enfer. Donc, quand l'individu dit qu'il est en enfer, ben, c'est vrai. Sauf que ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il dit. Il le dit comme ça pour se plaindre et il espère encore au paradis. Le paradis, c'est encore plus infernal que l'enfer. Sauf, évidemment, si tu pénètres à l'intérieur sans conscience, à l'intérieur avec de l'espoir émotif, où tu, finalement, vas acquiescer à n'importe quoi. L'exemple le plus évident du paradis, c'est quoi? Je le dis souvent, c'est si je te plante 5 clous dans la main, régulièrement, toutes les années, nécessairement, c'est l'enfer. Si l'année d'après, je t'en plante seulement 2, c'est le paradis. Parce que là, ça fait drôlement moins mal. Ce n'est pas un endroit physique, c'est seulement un état de conscience? C'est un état de conscience, évidemment, ce n'est pas un endroit physique. Dans les deux cas. Mm-hmm. C'est la même chose. L'enfer, c'est le paradis. Lorsqu'un individu, toutes les religions, de toute façon, parlent d'un enfer, parlent de mécanique qui t'y amène, et toutes les religions sont contre l'ouverture de la conscience de l'humain. Quand on dit que Dieu est en beau, je ne sais pas comment ils disaient ça à l'époque, en colère, parce que l'humain, à un moment donné, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Donc, lorsque la conscience de l'humain s'éveille, Dieu t'en maudit. Et nécessairement, l'homme commence à souffrir, c'est sûr. Parce que lorsque tu conscientises dans quel état on t'a mis, nécessairement, c'est souffrant. Et toutes les divinités, quelles que soient les théologies, font tout pour rectifier la conscience de l'humain, pour le conserver dans une conscience collective, c'est la conscience qui évolue le plus lentement, pour le conserver dans une conscience traditionnelle et rituelle, donc la conscience des ancêtres, bref, pour obliger l'humain à évoluer toujours vers le passé. C'est-à-dire qu'on va dire à l'humain, tu dois comprendre les leçons de tes ancêtres. Tu dois comprendre les messages des livres traditionnels qui proviennent du passé. L'avenir, le futur, le neuf, il n'y a plus rien là-dedans. Comprends l'arrière et tu sauras tout. Mais quand tu commences à avoir de la conscience, quand tu regardes en arrière, ben ceux qui ont écrit les livres sont tous morts premièrement. Ils se sont engueulés. Il y a eu des guerres à l'intérieur de tout ça. Si tu regardes toute l'histoire au complet, finalement, on n'en est que la réplique, avec un peu plus d'amélioration technologique. Puis on s'en va encore vers une guerre sainte, un djihad islamique peut-être, ou vers une guerre, de toute façon, comme il y a toujours eu des guerres sur la planète Terre, pour les mêmes raisons, avec les mêmes espoirs des divinités un peu avant les guerres majeures, où il y a des sectes, il y a un paquet de personnes qui pressentent quelque chose ne va pas, et là, essaient de trouver une solution pour être parmi les sauvés. Ben, écoutez, toutes les religions, tout le monde est sauvé, parce que finalement, il faut que tu sois dans elles pour être sauvé, mais les autres, ils disent que c'est dans elles, les autres, ils disent que c'est dans elles, fait que finalement... Quelle que soit la religion, tu es sauvé, tu iras dans le monde de la mort. C'est bien ça. Quand on dit que le Christ a descendu aux enfers, c'est bien ça, la descente aux enfers. Il n'est pas descendu réellement, il n'y a pas de descente physique. Ben non, ben physiquement non, parce que c'était le corps. Le corps de Jésus est resté sur la Qu'est-ce croix. Qu'est-ce qui est descendu là-dedans? Là? Sa conscience, son ego, son corps, il n'est pas descendu, il était cloué. D'ailleurs, le Christ n'avait pas de corps. Jésus avait un corps? Oui, mais Jésus est resté sur la croix. Puis Jésus, il n'est pas allé en enfer, lui. Non, Jésus n'est pas encore. Il a fait quelques tentatives. Ça l'a échoué. Pas il, encore. Il voulait aller en enfer? Ah, il a déjà voulu, en tout cas. Oui. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça lui donnait quoi, d'aller en enfer? Bon, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Dans lequel le Nazaréen va aller. C'est la même affaire que le ciel. Le ciel, qu'est-ce que c'est le ciel? Le ciel, comme l'enfer, c'est la même chose. C'est l'endroit où vont les âmes après la mort. C'est pourquoi on parle souvent du monde de la mort. Si on appelle ça le nirvana, c'est la même chose. Tu peux, dans certaines formes de méditation, où tu fais une extra-conscientisation astrale, certains appellent ça des voyages astraux, d'autres, c'est simplement un contact avec Dieu, ou un contact avec le nirvana, un contact avec ce que tu voudras. Par le canal réincarnationnel, le canal par lequel se réincarnent chez toi des énergies du passé, 24 heures sur 24 tout au long de ta vie, par ce canal, l'individu peut s'en aller dans le monde de la mort et se paradisier. La paradisiation, c'est lorsque l'âme retrouve dans le monde de la mort les contextes qui prévalaient à sa naissance. On appelle cela aussi la Jérusalem céleste. La paradisiation, donc, d'une âme, c'est lorsqu'elle retrouve les prémices qui ont prévalu à sa réincarnation. C'est un peu comme si le corps fœtal, l'enfant, se retrouvait dans l'utérus de sa mère. Une sécurité absolument totale, c'est les premières choses que l'âme a connues, mais c'est dans le monde de la mort. Mais quand tu dis la naissance de la mort, qu'est-ce que c'est la naissance? La naissance de l'âme, qu'est-ce que c'est la naissance de l'âme? Bon, la naissance de l'âme, c'est lorsqu'il y a la naissance du corps physique, la mère qui, endocrinalement et par le système sanguin, se réincarne dans l'enfant, donc elle le nourrit de ses émotions par le fait qu'elle le nourrit de son sang, qui a été harmonisé par l'expression de son émotivité dans le système endocrinien. Lorsque l'enfant est séparé, donc lorsqu'on coupe le cordon ombilical, immédiatement la mère ne peut plus se réincarner nécessairement, il reste les résultats émotifs, donc réincarnationnels de la mère, parce que la mère se réincarne de son vivant. Mais à partir de là, le canal réincarnationnel est ouvert, et il n'est plus en compétition avec quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est matériel et non pas astral, qui est le sang de la mère, et là, ça commence à se réincarner du monde de la mort. Ce moment donné, ce moment précis, qui prévaut dans le monde de la mort, est, s'il est retrouvé par l'ego, une paradisiation. Donc, les individus qui sont en méditation, quelle que soit la forme de méditation, ou qui vivent d'autres formes de contact avec une espèce d'essence supradivine, ou comme ils voudront l'appeler, ils sont simplement astralement, égoïquement, amiquement, en paradisiation. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en contact avec une divinité. Cela, une divinité peut-être du monde de la mort, oui, une divinité créée par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, mais ils ne sont pas en contact avec de l'intelligence supramentale, de l'intelligence instantanée qu'on appelait dans l'ancienne étymologie de l'intelligence christique, le Christ. Faut premièrement savoir qu'il y a 14 Christ. Bon, déjà qu'un, c'était compliqué. Il y en avait dans 14 Christ dans le corps de Jésus ou... Non, il y a 14 phénomènes christiques si on veut se référer à partir de l'an moins 3 avant Jésus-Christ, un peu avant, aller jusqu'à maintenant. Depuis que le Nazaréen, depuis que le Christ est descendu aux enfers, il reste seulement 13 Christ. Comme je dis souvent, l'expression « Christ est son camp » vient de là. Il est parti, lui. Bon. Alors, il reste 13 Christ. Celui qui est parti, c'est celui qui habitait le corps de Jésus. C'est ça. Où étaient les 13 autres pendant ce temps-là? Ils étaient là. Alors, lorsque le Nazaréen s'est promené, il est allé voir des individus, il a dit « Toi, suis-moi ». Ça, c'était un bonhomme relié à un des Christ. Qu'on appelle aussi un faisceau, des fois. Bon. Et il est allé voir un autre, il a dit « Toi, tu es machin chouette, tu vas t'appeler comme ceci, comme cela, et tu vas me suivre aussi. » Lui, il était relié à un autre. Il en a ramassé 12. Lui, c'était le 13e, et il a travaillé énormément avec Lazare, qui devient le comte de Saint-Germain, qui a été Hiram Abiff, qui a... Bon, il y a une grande histoire, Lazare. Alors, c'est le 14e faisceau. Si on considère que le faisceau christique du Nazaréen est parti, le faisceau michaélien pour être précis, il reste donc 13 faisceaux. Mais tu dis, si l'on considère qu'il est parti, est-ce que c'est parce qu'il est parti ou pas parti? Bon, il est parti, mais pour beaucoup d'humains, il n'est pas parti. Alors, si ces humains-là, pour qui il n'est pas parti, considèrent qu'il est parti, il en reste 13. Mais est-ce qu'il est parti ou pas parti? Oh, il est parti. Très loin, d'ailleurs. Et c'est une problématique parce que les humains qui attendent le retour du Christ ne verront jamais ce Christ revenir. Ils vont en venir un autre? 13 autres. Ah, ils m'ont servi? Le 13e est présent depuis le départ du 14e. Et lorsque le 13e va s'en aller, le 12e va prendre de la puissance. Et les 11 autres aussi. Est-ce que le grand monarque, c'est le 12e? Non, le grand monarque, c'est l'ensemble de tous les faisceaux réunis ensemble. Des 13 ou des 12? Des 14. Hein? C'est compliqué, hein? C'est... Lâche pas. Il y a une matière qui a une calculatrice. Je vais simplifier. Oui, non. Alors, on va... Ça sera pas dur, simplifier. Alors, on se retire totalement de la galaxie, pour simplifier les choses. Et il y a une énergie que l'humain aime conscientiser sous l'idée d'un faisceau, alors qu'en réalité, c'est une atmosphère, c'est-à-dire que c'est partout. Bon. Il y en a présentement partout ici. Comme je le dis souvent, le centre de l'univers, il est à côté de l'oreille droite, de n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas de centre, c'est partout. Bon. Ça n'a pas de coordonnées géospatiales. Maintenant, lorsque, on parle de ce faisceau, mais en réalité, encore une fois, c'est une atmosphère. On va quand même parler de faisceau, c'est plus facile à comprendre. Lorsque le faisceau pénètre la galaxie, il est tellement puissant qu'il peut détruire la galaxie, c'est-à-dire que la matière galactique n'est pas capable de supporter ce faisceau et elle va diffracter le faisceau et le faisceau est donc divisé en plusieurs faisceaux. Il est divisé en 14 faisceaux. Antiquement, parce que je parle toujours de 14, parce qu'on parlait de la descente aux enfers du Nazaréen. Mais initialement, c'est un faisceau. Initialement, bon, lorsqu'il approche de galaxies, en réalité, c'est 7 faisceaux, c'est quelques 3 ou 4 faisceaux un peu avant et un faisceau, finalement, dehors des super-univers. Bon, alors initialement, c'est un faisceau, mais en réalité, c'est une substance. Comme la lumière blanche, elle accapare toute la pièce ici, si on prend un prisme, on se rend compte que dans la lumière blanche, il y a un faisceau bleu, un faisceau violet, un faisceau rouge, un faisceau orange, un faisceau vert, etc. Alors, on peut donc dire qu'il y a effectivement des faisceaux. Mais le faisceau vert, il est partout. Puis le faisceau jaune, il est partout aussi. Et c'est pourquoi, tout mis ensemble, la lumière blanche est partout. C'est la même chose. Mais l'humain parle de faisceau, comme l'humain personnifie souvent les conditions, il parlera donc d'un dieu personnifié, il parlera d'intelligence, il essaiera de les personnifier, il parlera de hiérarchie, il essaiera de les personnifier. Ce sont des atmosphères, des ambiances. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une longueur d'onde, si c'est comme la lumière? C'est la même chose. Okay. Sauf qu'on parle de faisceau pour arriver à comprendre. Donc, lorsque ça arrive ici, la longueur d'onde, elle est atténuée, et il y a différentes longueurs d'onde qui apparaissent, donc différents faisceaux. Il y a 14 faisceaux qui vont approcher. Sur ces 14 faisceaux, il y en a un qui est extrêmement puissant, le faisceau nazaréen. Il y a un autre faisceau extrêmement puissant, le faisceau lazaréen. Et il reste 12 autres faisceaux. Et tous ces faisceaux, lorsqu'ils approchent du contexte de notre système solaire, se divisent en 144 000. Et si on considère les 853 du faisceau lazaréen, prochainement, on peut considérer qu'il y aura 144 853 faisceaux en comptant que le faisceau nazaréen n'est plus là. À l'époque, c'était approximativement 263 829, mais c'est un chiffre qui ne dira rien. Approximativement. Oui, c'est ça, c'est parce que j'approximative de plus en plus. Bon. Lorsque ces faisceaux approchent du contexte planétaire, ils doivent se scinder encore une fois et se scindent en milliards de faisceaux. Se scindant en milliards de faisceaux, ils vont aller chercher un contexte génétique, donc un corps physique, chacun de ces faisceaux. Ce qui donne, normalement, plusieurs milliards d'êtres humains. Sauf que les faisceaux n'ont pas la capacité de... Vu qu'il n'y a pas suffisamment de corps physique à l'époque, les faisceaux sont beaucoup plus concentrés chez les individus. Étant donné qu'à l'époque du Nazaréen, il n'y a pas 5 milliards d'habitants, c'est évident, il y a beaucoup moins d'habitants. On est à peine à 1 milliard, on n'est même pas 1 milliard encore, en incluant la Chine, en incluant un paquet d'autres pays. Lorsque les faisceaux arrivent, ils sont beaucoup plus lucides. Et plus on va vers le passé, plus les faisceaux sont concentrés, mais les corps physiques de l'humain ne sont pas aussi densifiés qu'aujourd'hui. Ils peuvent donc supporter plus de concentration d'esprit. Et c'est pourquoi, dans ces antiques antiquités, on n'aura plus de contact avec ce qu'on l'humain va appeler l'intelligence. Alors, on aura des livres sacrés qui seront écrits. Il y aura apparemment des miracles qui seront faits. Il y aura des humains qui vont vivre 900 ans, comme Moïse, puis comme plusieurs autres. Et plus le corps va se densifier, plus il y aura de toute façon une prolifération génétique. D'ailleurs, une des lois que les dieux ont été obligés d'implanter dans l'humain, c'est « multipliez-vous, croissez, multipliez-vous ». Plus il y a de corps physiques, plus l'humain se densifie. D'ailleurs, c'est une mécanique de refroidissement du contexte planétaire. Plus il y a de corps physiques, plus les faisceaux, par la densification des corps des génétiques, sont obligés de se répartir jusqu'à un moment donné où on aura suffisamment de corps physiques, ce qui est un peu moins de 6 milliards de corps physiques nécessaires, et on s'y approche, pour que la constitution des faisceaux soit répartie dans des corps physiques qui maintenant vont commencer à croître. Cela veut dire que toi, tu es relié à un faisceau, et dans la salle ici, il y a des êtres humains reliés au même faisceau que toi. Ces êtres humains-là font partie de ton humanité, et spirituellement, ils sont tes frères ou sœurs en esprit. Mais il y a des êtres ici qui sont reliés à un autre faisceau, le faisceau de la dame ici, et nécessairement, elle fait partie de la même humanité que ceux qui sont reliés au même faisceau, mais pas de la même humanité que toi. Il y en a 13 en tout? Il en reste 13. C'est ça? Le Nazaréen, lorsqu'il est arrivé ici, il a sauvé son humanité. Et il a porté le poids et les péchés de son monde. Mais étant donné que la majorité de ceux qui l'entouraient à l'époque faisaient partie de son faisceau, ceux-là pouvaient donc prétendre qu'ils supportaient les poids de l'humanité. Mais ça excluait les Romains. Ça excluait un paquet de gens. Ça incluait par contre certaines sectes esséniennes, en l'occurrence la secte des gentils, la secte des thérapeutes grecs, la secte des Nazarites et la secte des Nazaréens. Bon. Ça incluait une majorité de ces individus-là. Il y avait combien d'individus là, l'ensemble de ces sectes-là? Bon, l'ensemble de ces sectes-là, c'était compliqué, difficile à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui étaient acolytes, des individus qui étaient rejetés, des individus qui étaient... Enfin, il y avait une nuance, une coloration totale de qu'est-ce qu'il y en était, qu'est-ce qu'il n'y en était pas. Si on parle des prêtres, on parle de quelques 100 000 prêtres, pas plus. Mais pour que lui résorbe la totalité du faisceau, il fallait que tous ces gens-là décèdent ou disparaissent? Oui. Ou... il fallait que tous ces gens-là meurent. Mm-hmm. C'est un bon coup. Les Romains s'en sont occupés. On appelle cela le massacre des chrétiens. Bon, mais passons. Donc, il fallait que ces gens-là meurent. Mais, surtout ce qui est important, ceux qui ont été massacrés, c'est des gens qui étaient associés au faisceau de Lazare. Après la disparition du Nazaréen, on a eu évidemment Pierre, qui n'a jamais compris tellement ce qu'il faisait sur la terre, et qui, lui, a créé certains contextes qui ont fait en sorte que la majorité des humains reliés à Lazare ont été sacrifiés. Une grande partie des humains qui restent reliés à Lazare, il n'y en a pas eu beaucoup, ils se sont multipliés. Lazare est un juif. Et Adolf Hitler, on va revenir de toute façon sur cette mécanique prochainement, a, avec l'aide du prieuré de Sion, donc de plusieurs prêtres juifs, entraîné une accélération de l'élimination de corps physiques habités par un faisceau lazarien. Bon, parce que Lazare a presque fini son travail, donc il devra se retirer, ce qui fait que toute son humanité devra disparaître. Quand on dit disparaître de la surface de la planète, ça ne veut pas dire disparaître. C'est... Il change de dimension, d'endroit? Oui, il change bien des choses. Bon. Donc, lorsqu'un faisceau descend dans un contexte planétaire comme celui du Nazaréen, il doit traverser le monde de la mort, comme d'ailleurs le font les extraterrestres. Lorsque les mécaniques extraterrestres gagnent le monde de la mort, la majorité deviennent tellement ternies qu'ils ne peuvent faire autrement que s'écraser sur la planète Terre ou retourner. Tous les extraterrestres qui ont été rencontrés sur le plan planétaire, je ne parle pas des humains mandatés, je parle des extraterrestres. La NASA en a rencontré, il y a Robert Charroux qui en a déjà photographié, et il y en a plusieurs phénomènes militaires qui en ont trouvé. Chaque fois que les humains ont trouvé des extraterrestres, c'était toujours des animaux extrêmement non fonctionnels, des animaux à tête de citrouille avec des grosses mains bizarres, des espèces de crapauds. C'était toujours des animaux qui étaient en train de mourir. Pour la simple raison que l'extraterrestre est d'une énergie qui est en phase d'involution. Lorsqu'il approche du contexte planétaire, il y a un gros danger, c'est qu'il évolue jusqu'à temps qu'il devienne de la matière. Nécessairement, tous ceux qui restent captifs, donc prisonniers du contexte planétaire, ne sont absolument plus fonctionnels. C'est pourquoi les extraterrestres vont essayer de mandater un humain, parce que l'humain mandaté peut lui faire le travail. L'extraterrestre doit rester quelques jours, quelques mois au maximum, et doit s'en aller. J'en ai déjà parlé un peu. Si on regarde tous les films qui sont faits à partir de cette phénoménologie, que ce soit Cocoon où ils ont 30 jours, que ce soit Starman, l'homme des étoiles, qui doit sacrer son camp, et que ce soit E.T. qui va mourir s'il s'en va, s'en va pas, c'est la même mécanique. Il se densifie. Lorsque le faisceau christique, c'est-à-dire que les faisceaux sont déjà présents ici, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une densification d'une énergie particulière à un faisceau qui traverse le contexte du monde de la mort. Lorsqu'il traverse le contexte du monde de la mort, sa fonction est de récupérer tous les âmes, donc toutes les humanités du passé, toutes les souffrances, finalement, du monde de la mort, qui existent dans ce monde de la mort, et il les récupère pour les descendre dans un corps de chair, pour les réincarner tous, fusionner dans un seul corps. C'est ce qui est arrivé lorsque l'énergie christique est descendue dans le contexte de notre planète. Il a ramassé des milliers d'années, sinon des millions d'années, d'expériences humaines reliées à son faisceau, et il est descendu dans un corps, le corps de Jésus. Je veux juste m'assurer que je comprends bien. Est-ce que, si on compare ça à un gâteau qui est fait avec de la farine, du beurre et un œuf, par exemple, je ne suis pas fort en cuisine, mais, non, je sais mais que ces trois éléments-là sont là-dedans, donc un œuf, pour fin d'exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que le faisceau du Christ, c'était, par exemple, des particules d'œuf qui étaient mélangées dans le gâteau, mm-hmm. Puis il est revenu enlever l'œuf complètement du gâteau, le gâteau restait là, mais il a soustrait tout l'œuf. T'es peut-être pas bon en cuisine, mais t'es bon des parallèles. Oui, c'est ça. Parfait. Ça, ça il reste un gâteau plus d'œuf. OK. Voilà. Il y avait un œuf qui était mélangé là-dedans, il est reparti. Puis nous, on espère que l'œuf va revenir. OK. C'est pas de l'œuf qui va revenir, c'est un livre de beurre. C'est encore de la farine, ouais, ou le beurre, il faut qu'il va s'en aller, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'il est allé faire en enfer d'abord? Voilà. La problématique, c'est que lorsque, on va revenir un peu en ce qui concerne l'humanité d'aujourd'hui, lorsqu'une intelligence descend dans le monde de la mort, elle crée un immense remous dans le monde de la mort, ce qui fait qu'il y a énormément d'individus, des mémoires non réincarnées, mais réincarnationnables, qui ont voulu se réincarner, ont fui, sont précipités. Ils se sont précipités dans un corps qui les a supportés. Un seul corps, tout l'eau complet. C'était prévisible. Et ça a été prévu aussi. Alors, il y a une certaine femme du nom de Marie qui a ramassé la majorité des réincarnations de ceux qui ont fui la descente du Christ. Lorsque le Christ est arrivé, donc, ce faisceau, et lorsqu'il a commencé à pénétrer le monde de la mort, il a commencé par récupérer les mémoires les plus élevées, les mémoires spirituelles, les mémoires des hautes sphères de la spiritualité. Et lentement, il descendait alors que les petits crapauds fuyaient pour ne pas se faire digérer par l'immense monstre, finalement, le Dieu qui descendait. Et cela a engendré quelque chose qui savait que ça s'en venait. Parce que ça le fuit le monde de la mort pour se réincarner massivement dans un bonhomme qui va être appelé Jean le Baptiste. Lui n'a jamais digéré le Nazaréen, et le Nazaréen ne l'a jamais digéré. Mais il l'a digéré plus tard. Mais il a fallu qu'il tue pour ça. C'est pourquoi le Nazaréen a donc fomenté la décapitation du Baptiste. Bon. Fait que le Christ s'est d'abord incarné dans Jean le Baptiste. Non. Toutes les mémoires expérientielles de l'humain reliées au faisceau du Christ et qui ont voulu fuir le monde de la mort pour ne pas être intégrées, digérées par le faisceau du Christ, se sont réincarnées dans un corps physique qu'on appelle Jean le Baptiste. Lui, donc, égoïquement, savait ce qui venait. Et il savait aussi qu'il n'y échapperait pas. Ça, c'est arrivé avant qu'il rencontre Jésus? Oui. Donc, Jean le Baptiste a fui. Et il a tout fait pour essayer de se désassujettir du faisceau. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, sachant qu'il était perdu, il a essayé de se reprendre. Alors, il est revenu et il a préparé le terrain de celui qui viendrait après lui. Lorsqu'il a rencontré Jésus dans le Jourdain, Jésus dans le Jourdain n'avait pas encore accepté de donner son corps au Christ. Donc, ce n'était pas Jésus-Christ. Qui lui avait demandé de donner son corps au Christ? Le Christ. C'est-à-dire que maintenant que l'énergie descend et que tous ceux qui avaient à fuir ont fui, sont ramassés dans le corps de Jean, tous ceux qui acceptent et sont fusionnés. Maintenant, la problématique, c'est qu'il reste énormément d'humains sur la planète qui, eux, vivent et qui sont reliés au corps, à l'énergie du Christ plutôt. Donc, le Nazaréen, lui, doit rester temporairement dans le monde de la mort, mais on ne peut rester intelligent dans le monde de la mort. C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que tu détruis le monde de la mort, ce qui fait que tu perturbes totalement les autres faisceaux. L'énergie descend, prend un corps de chair. Prenant un corps de chair, premièrement, elle va être capable de ramasser les individus qui ont une tendance non pas à fuir, parce qu'il faut faire attention, lorsque l'énergie christique descend, ça fuit d'en haut et ça se réincarne chez Jean. Lorsque l'énergie arrive au fin fond du bas du monde de la mort, il ramasse évidemment ce qu'il y a de plus bas dans le monde de la mort, à part évidemment ce que Jean a ramassé, et il y a des incarnations du faisceau christique qui se font pendant ce temps. Il y a des naissances reliées au faisceau christique, et il y a des personnes qui vivent déjà, qui ne sont pas encore morts, et dont leur âme est reliée au faisceau christique. Ça peut prendre une trentaine d'années. Alors, l'énergie du Nazaréen descend dans un corps qui va être celui de Jésus, un corps qui finalement va être capable de ramasser la majorité des égos qui sont reliés au Christ, mais qui n'ont pas fui le Christ, donc les égos les plus ouverts vers le neuf. Il réincarne la majorité de l'humanité restant dans le monde de la mort relié au faisceau du Christ, sauf que cela constitue un égo qui va devenir un enfant, Jésus. Maintenant, le gros monstre, lui, arrive quelques années après, vers l'âge de 6 à 7 ans, et commence à descendre dans le corps. Jésus, qui est un enfant tout à fait ordinaire, commence à avoir un contact avec un ajusteur de pensée extrêmement violent et extrêmement puissant, qui doit nécessairement faire descendre suffisamment d'énergie. Et il va maintenant, lui, accepter de travailler pour son père dans le ciel. C'est ce qu'il conçoit qui lui arrive parce qu'il est imbu de la religion juive qui prophétise des choses. Vers l'âge de 12 ans, en réalité c'est 11 ans, vers l'âge de 12 ans, il est suffisamment apte à avoir un contact et il sait maintenant, il conscientise ce qui arrive. Il est prêt à le faire. Vers l'âge de 17-18 ans, il sait que l'énergie qui descend chez lui n'est pas l'énergie de son père dans le ciel, mais c'est une énergie qui a créé son père dans le ciel, le père dans le ciel étant l'égrégore qui engendre les âmes. Et il sait maintenant qu'il a affaire à quelque chose de beaucoup plus puissant. Et là, maintenant, il commence à dire non. De cet âge, aller jusqu'à vers la fin de la vingtaine, le Nazaréen, bref Jésus, avec le Christ, vont faire des pourparlers, ils vont se battre. À un moment donné, Jésus va se ramasser dans le désert, sous le contrôle du Christ, pour pouvoir extirper de lui la majorité de l'antihomme, ce qui, dans l'ego de Jésus, bloque au maximum la descente finale du Christ dans son corps physique. Ça se fait dans la période de 17 à 20 ans. Ça se fait dans la période de 17 à vers la fin de la vingtaine, donc disons de 17 à 30 ans. À partir de ce moment donné, lorsque le corps de Jésus, lorsque l'ego de Jésus va recevoir l'assurance, premièrement, que l'expérience égoïque va rester dans le plan moronciel et ne gagnera pas le monde de la mort. Parce qu'il faut faire attention, étant donné que la majorité des phénomènes réincarnés de Jésus, soit ceux qui ont fui, la majorité concentrée dans le Jean le Baptiste, les autres ont été digérés par le faisceau christique, ce qui descend dans Jésus, l'ego de Jésus qui est à l'intérieur de cela ici, constitué à même la grosse partie des sphères spirituelles du phénomène christique, va être constitué d'un autre faisceau. Mais un faisceau atténué comme Pierre, comme Luc, comme Marc, comme d'autres personnes de l'époque. Et lorsque cela va se faire, il y aura le conflit. Le Jésus en question ne veut pas abandonner son corps physique, ne veut pas mourir, ne veut pas s'en aller, ne veut pas. Il y a le phénomène traditionnel qui le maintient, le phénomène essénier entre autres, qui prévoit génétiquement qu'un chef des zélotes, un chef de la première guérilla planétaire va naître. Lui, il est investi, instruit. Il ne veut pas. À un moment donné, une entente va se faire. Jésus est placé dans un dôme éthérique temporaire, dans le plan moronciel, et il se réincarnera, se rappelant ce qu'il est, quelques années plus tard, après la disparition du corps du Christ. Il y a toujours un coup, de toute façon, quand tu travailles avec le Christ, tu vas voir. Quelques années plus tard, c'est sur la croix. Ah, comique. Ouais, c'est ça. Quand le Christ est parti, Jésus se réveillant sur la croix, bien, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bon. Et après ça, il meurt. Il est venu juste dire ça. Il y a du monde qui est là avec le plume, puis où il fallait qu'il dise quelque chose, qu'il dise quelque chose. Bon. Après, il a dit. Les photographes, les journalistes qui attendaient une phrase célèbre. C'est ça, à l'époque, c'est ça. Il y a l'ingénieur, de toute façon, qui attendait pour l'achever. Bon. Alors donc, lorsque cela se fait, Jésus va lentement être transposé dans le plan moronciel, et c'est maintenant le Christ qui habite le corps physique. Pour que cela s'accomplisse totalement, le baptiste doit rencontrer Jésus. Lorsque le baptiste rencontre Jésus, Jésus se voit confirmé par quelqu'un d'autre et un prophète très reconnu, parce que c'était pas connu à l'époque, c'était reconnu par la place, par un prophète reconnu, Jean le Baptiste, que lui, c'est le Christ. Donc Jésus finit par, parce que le problème des conscientisés, c'est la fausse humilité où tu as tellement peur de te faire ramasser que tu résistes à tout. Jésus va donc vivre dans ce doute jusqu'à temps que le Baptiste tombe à ses genoux et lui dise « Ben merde, c'est toi ». Alors, Jésus va donc discuter avec, il va y avoir finalement un refus du Baptiste, que ce, en tout cas, il va y avoir une bataille dans le Jourdain, parce qu'un baptême aussi, parce qu'ils sont battus dans l'eau. Et par la suite, le Baptiste va dire à ses deux meilleurs disciples, « Ben, suivez-le, c'est lui, celui que je dis qui va venir. » Et le Baptiste va continuer à faire ses conneries jusqu'à temps que finalement le Nazaréen l'achève. C'était qui les deux meilleurs disciples du Baptiste? Ils ont changé plusieurs fois de nom. Il y avait Paul et il y avait Matthieu. Ils ont changé de nom. La théologie va bouger les choses par la suite et on va sortir un évangile. Il y a eu plusieurs évangiles apocryphes, des évangiles non publiés. Et l'un des évangiles qui va être le premier sorti, c'est un évangile qui apparaît 93 ans après la disparition du Nazaréen. Et là, on a altéré énormément de choses. Maintenant, ce qu'il doit, parce qu'on doit savoir encore une fois, c'est que lorsque le Nazaréen, lorsque Jésus finit par accepter de ne plus être Jésus et de laisser son corps, le Christ prend possession du corps physique. Et maintenant que le Christ prend possession du corps physique, tous ceux qui maintenant meurent, reliés à son faisceau, ceux qui vont dans le monde de la mort, lorsqu'ils meurent, ils gagnent le plan moronciel, qui est l'étape transitoire avant le monde de la mort. Et dans le plan moronciel, ils sont siphonnés par le phénomène christique, donc ils se réincarnent immédiatement dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, dans le corps de Jésus, évidemment, l'âme de Jésus n'est plus là. On va donc dire dans le corps du Christ. C'est pourquoi le Christ va vivre encore une grande partie de problèmes, parce que chaque fois que tu dois digérer des personnes qui viennent de mourir, tu vis un peu ce qu'ils ont vécu, et le temps que tu transformes cela en phénomène christique, tu as certaines formes de souffrance. Donc, des lacunes biologiques et des lacunes physiques, psychologiques. Lorsque le Nazaréen, maintenant qu'il accomplit cela, il sait, lui, qu'il doit s'arranger pour conserver en vie son corps physique, pour conserver une attraction planétaire, et il doit lucidement regagner le monde de la mort, parce que de sa naissance aller jusqu'à sa christification, il y a des individus reliés à son énergie qui sont morts. Ces individus morts, avant que Jésus arrive à sa christification, gagnent le monde de la mort. Après la christification de Jésus, non pas la crucifixion, lorsque le Jésus devient le Christ, ceux qui meurent sont réincarnés chez lui. Ça s'est fait quand qu'il est devenu le Christ? Ça s'est fait un peu après le baptême, c'est-à-dire qu'après son baptême, il s'en va finaliser le rejet de son antium dans le désert, et là, la christification va s'achever. Lorsque cela est fait, notre Nazaréen, lui, doit donc s'arranger pour regagner le monde de la mort. Mais là, on parle d'un individu vivant dans un corps de chair, avec une conscience humaine, donc capable de goûter la valeur de la souffrance de l'humain. Avec le corps de chair, tu sécrètes nécessairement à chaque fois que ça se réincarne. Donc, tu as l'expérience de la souffrance de l'humain par le corps de chair. Tu sécrètes endocrinalement des hormones qui, véhiculées par le sang, font réagir le corps physique, relues par l'enveloppe de l'âme. L'ego, maintenant, enfin, pas l'ego, mais celui qui l'habite est au courant. Mais est-ce qu'il y avait un ego à ce moment-là? Plus d'ego du tout lorsque Jésus a été placé dans un double éthérique, dans le plan moronciel. Notre Nazaréen, donc, doit s'arranger pour pouvoir mourir. Mais pas trop vite. Bravo. Et à l'époque, évidemment, les drogues et les médicaments, ça n'existait pas trop. Alors, il fallait trouver une solution qui était à la mode. Et se faire crucifier, c'était à la mode parce qu'on ne tuait pas les individus. Les individus mouraient par asphyxie respiratoire ou par écrasement cardiaque, habituellement, après un laps de temps. Bon. Et on leur brisait les membres, finalement, à la tombée de la nuit pour qu'ils meurent, finalement. Oui, c'est ça. Donc, notre Nazaréen, lui, s'arrange premièrement pour laisser une chose, c'est que dans cette vie-ci, il rencontre Lazare. Il rencontre aussi Marie-Madeleine, sous tous les sens. Et lorsqu'il a rencontré Lazare et Marie-Madeleine, Lazare a déjà été présenté au Christ par Jésus, parce que Lazare est un ami de Jésus. Et dans le contrat, Lazare doit être initié. Je passe le détail, s'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus pour la suite. Et lorsque Jésus, lorsque le Christ finalement va prévoir qu'il devra s'en aller, il va initier Lazare à cette descente aux enfers. Lazare va donc vivre un simulacre de mort. Les individus vont dire qu'il est mort, le Christ va dire qu'il dort, parce qu'il n'est pas mort, parce que lorsqu'on gagne le monde de la mort avec sa conscience, on n'est pas mort. Quand on fait ça, qu'on s'en fout. Lazare va donc faire une descente aux enfers avant le Christ. Exact. Mais lui, il ne sait pas de quoi ça a l'air, il n'est pas là encore. Il ne sait pas de quoi ça a l'air, il devra en refaire une plus tard, il ne sait pas à quoi ça ressemble, il le sait maintenant, et il va se perdre là-dedans, c'est pourquoi la lumière du Christ devra, près du corps de Lazare, servir de phare pour ramener l'énergie de Lazare, et Lazare va donc être ressuscité, c'est-à-dire qu'on va le susciter de nouveau, le corps. Par la suite, le Christ va donc s'arranger pour se faire crucifier, et c'est pourquoi il va même préparer les terrains. Alors il va annoncer que vous détruirez le corps, et patati patata, et il va exprimer à tout le monde, il va programmer les individus, et demander à son meilleur disciple, Judas, de s'arranger pour faire en sorte qu'il puisse se faire crucifier et ne pas mourir. Donc il doit finalement mourir, non pas assassiné dans la rue, mais comme un vil voleur, enfin un brigand, parce que c'est la mort est lente. Lorsque le corps et le Christ se ramassent sur la croix, les deux bonhommes à côté s'en foutent royalement, ça c'était la spiritualité pour ceux qui ont voulu le ramasser, et lorsqu'il est sur la croix, le corps souffre, le Christ ne souffre pas, le Christ maintenant doit conserver le corps vivant pour pouvoir rester dans le monde de la mort en conservant une conscience lucide, humaine, planétaire, pour pouvoir récupérer et redigérer la totalité de ceux qui maintenant sont rendus là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la corde, le cordon gris, la corde astrale qui part du corps physique qui lui permet de revenir? Si ça, c'était, s'il mourait, il n'y aurait plus de lien? Ou... Non, le Christ, lui, fonctionne avec une autre corde, qui est une corde, si on veut parler de couleur, qui est une corde de blanche, qui, elle, est ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, c'est le canal ajusteur de pensée. Tandis que les âmes sont reliées par leur canal réincarnationnel, par la corde d'argent, sont reliés par un phénomène réincarnationnel au monde de la mort. Donc, le Christ lui-même, ce n'est pas cela. Et si on veut spiritualiser, on parle blanche, de corde si dorée, veut, mais l'autre, une corde d'argent. Peu importe la couleur, ça lui fait un lien mécanique avec le corps. Le lien va se faire par le double éthérique de Jésus, et il va remettre Jésus dans son corps. Alors là, Jésus, qui est une âme, va animer le corps pendant les quelques heures de souffrance sur la croix, pendant que le Christ est en train de finaliser ce qu'il a à faire dans le monde de la mort. Lui, comme tu dis, c'est le camp, puis l'autre est accroché sur la croix. C'est ça. Alors, le Christ va s'en aller, et le Christ doit faire extrêmement attention, c'est-à-dire que, dans le monde de la mort, rien ne doit se réincarner pendant que lui va les chercher. Tu comprends la nuance. Si tu remontes dans le monde de la mort, puis toi, naissance, il faut que tu redescendes dans le monde de la vie. Ah oui, ça finit plus, là. C'est ça. Alors, il va donc rester totalement vivant. Le Christ va se présenter chez lui. Les deux vont se refusionner ensemble. Donc, il y aura certains mots qui seront dits par un Jésus christifié. Par la suite, il y aura suffisamment d'émotions sur le plan planétaire pour empêcher le retour de phénomènes réincarnationnels dans ce peuple, sa population, son humanité. Et il va mourir. Là, on parle de tremblement de terre. On parle plutôt de tremblement de ciel, c'est-à-dire qu'il y a eu un remous suffisamment massif pour que le temps semble s'arrêter. Et tous les êtres humains reliés à l'expérience initiatique du Christ, non pas reliés à son faisceau, mais reliés à son expérience, ceux qui l'ont connu et qui vivaient à l'époque dans son secteur, vont voir leur conscience se bloquer net pendant quelques instants. Alors, les humains vont parler d'une espèce de miracle. Le Christ gagne le monde de la mort, récupère, donc digère le reste de ce qui est relié à son faisceau, et par la suite, il va tenter de s'en aller. Juste avant de s'en aller, il doit accomplir ce qu'il a promis à Jésus et surtout ce qu'il a promis maintenant à Lazare. Alors, le corps physique de Jésus va mourir, c'est-à-dire que Longinus va venir l'achever de façon à ce qu'on ne brise pas ses membres. Alors, je pourrais expliquer pourquoi on ne doit pas briser, enfin, pourquoi les membres ne devaient pas être brisés dans son corps et pourquoi aussi une lance particulièrement originale fabriquée par un bonhomme qu'on connaît sous le nom de Merlin devait transpercer le côté du Christ pour toucher de l'eau, mais enfin son sang et son système lymphatique. Maintenant, lorsque le Christ est dans le monde de la mort, il va revenir dans un corps. Il va ramasser le corps de Jésus, il va l'éthérifier, donc le dissoudre totalement, c'est ce qu'on appelle un corps de lumière. Et il va revenir dans son double éthérique, dans ce corps de lumière, rencontrer les apôtres pour pouvoir garantir le mandat de Pierre, comme quoi celui-ci va être capable de supporter l'égrégore événementiel et expérientiel de toute cette partie de l'humanité jusqu'à temps que Lazare accomplisse ce qu'il a à faire, parce que Lazare, finalement, va être le vrai supporteur de l'Église du Nazaréen, enfin du Christ, alors que Pierre, lui, va être le supporteur de l'illusion de l'Église. Tous ceux qui, spirituellement, doivent idolâtriser les choses vont travailler avec Pierre. Alors, ils vont adorer une croix, ils vont adorer le corps du Christ. Comme je dis souvent, c'est le Seigneur, parce qu'il saignait sur la croix, c'est le Seigneur. Alors, les gens vont donc adorer le Seigneur. Et ils vont adorer des images de la Vierge, des images ceci, de cela, et un paquet de saints, c'est de l'idolâtrie. Mais étant donné qu'une grande partie des populations reliées aux autres faisceaux resterait idolâtre jusqu'à temps que l'intelligence s'installe chez eux, ils avaient donc le Christ revient pour finaliser le mandat, la promesse à Lazare et à Jésus. Pour motiver émotivement et spirituellement les apôtres à préserver et à se faire massacrer avec un paquet d'individus pour donner de la nourriture énergétique à Lazare. Donc, il est venu lurer Pierre, de l'occuper avec une belle fonction, puis pendant ce temps-là, la vraie... Mais Pierre avait besoin de beaucoup de motivation parce que Pierre lui-même avait reconnu le phénomène christique dans Jésus. Le Nazaréen avait dit à Pierre qu'il bâtirait son église sur son dos. Pierre était barbouillé d'enthousiasme. Mais par la suite, Pierre a renié le Christ. Pierre était relativement faible. Et Pierre, par contre, était un humain relativement colérique, c'est-à-dire qu'il exprimait de la psychologie violemment. C'est un bon chef, quoi. Parce qu'à l'époque, un chef, ça devait être puissant et violent. C'était pas diplomate. La diplomatie, ça se faisait pas comme ça. Pas encore. Alors, Pierre devait donc supporter l'Église. Et finalement, Pierre a supporté l'Église jusqu'à Rome, d'ailleurs, où... Quel était le contrat ou le pacte qu'il avait fait avec Lazare, Nazaréen? Lazare, lui, devait être celui qui dirigerait le contexte de l'humanité en éliminant la majorité de la problématique des vieilles lois des anciens dieux et en amenant sur le contexte planétaire une évolution plus rapide, contrôlée par de l'intelligence qui connaît la problématique de l'humain. On doit comprendre que lorsque l'humain est terrestrifié, lorsque l'énergie qui va engendrer l'être humain a été terrestrifié, planétarisé, densifié, on dit aussi effusé, elle perd totalement la consistance de l'intelligence. Donc, elle ne peut fonctionner qu'en fonction de traces mémorielles, d'égrégores, d'archétypes, de vieilles formes. Lazare, lui qui a eu un contact avec l'intelligence du Christ, a eu un contact fusionnel avec son faisceau, a gagné le monde de la mort, est revenu dans sa conscience, il connaît l'intelligence et il connaît l'humain. Ce que le Christ a connu, mais en se faisant humain lui aussi. Lazare, par contre, est un humain qui va s'être fait christifié, mais par un faisceau différent du faisceau michaélien qu'on connaît aussi sous le nom du Christ ou de Jésus-Christ. Lazare peut donc diriger l'évolution complète du système planétaire en fonction d'une intelligence, donc d'un phénomène luciférien, d'une accélération d'évolution, et en même temps avec une préservation des génétiques et de la condition de souffrance de l'humain. Autrement dit, Lazare va être capable de faire souffrir l'humain, d'accélérer les mutations génétiques par l'expérience, habituellement une expérience de guerre ou de cataclysme chez l'humain. Et lorsque l'humain a suffisamment souffert, Lazare va réinstaurer une mécanique de paix. Dans l'Antiquité, on avait de la guerre et de la paix continuellement, jusqu'à l'arrivée du Nazaréen. Après Lazare, lorsque Lazare aura suffisamment de puissance, ça va y prendre un laps de temps, après Lazare, on aura maintenant des guerres et des cessations de guerres. On aura des cataclysmes, des cessations de cataclysmes, on aura l'évolution de la médecine, on aura l'évolution des sciences, le phénomène de l'intelligence amené par Lazare. Lorsque Lazare revient sur le compte de Saint-Germain, il inventera la locomotive, il inventera le système de déguisement. J'oublie toujours le nom. C'est en tout cas, comment est-ce que les femmes se servent pour ce... Le maquillage. Le maquillage, voilà. Il inventera aussi énormément de couleurs au niveau de la peinture. Il inventera différentes structures de travail alchimique, c'est un alchimiste, qu'on va appeler chimie par la suite. Il va avancer la science. La science permet de rendre plus doucereuse l'évolution problématique de l'humain et ça développe l'intelligence, le mental, donc l'intellect lorsqu'il est assujetti à l'ego chez l'humain. Mais s'il y avait un pacte, c'est donc qu'il y avait une contrepartie, c'était quoi la contrepartie? Non. Les humains font ça comme ça. La contrepartie, simplement, c'est que tu me prêtes ton corps, puis je fais ça. Jésus a prêté son corps. De toute façon, il était temps qu'il prête, hein, parce que l'énergie christique, c'est comme le gouvernement. Hein? Quand ça expropie, ça exproprie. Si tu veux pas vendre, ben, à un moment donné, tu perds pareil, mais tu n'as rien vendu. Donc, il n'y avait pas réellement de pacte, il y avait tout simplement une entente qui était appliquée, puis qui devait être appliquée telle quelle. Oui. La question que les humains vont poser, c'est pourquoi une énergie christique va-t-elle à être finalement suffisamment manipulable par une mécanique humaine, pour accepter de faire un pacte. Parce que c'est intelligent. C'est pas que c'est intelligent. Ça s'appellerait pas un pacte, c'est pas un vrai pacte. Oui, mais ce qui est arrivé simplement, c'est qu'une fois que le Christ est rendu dans un corps humain, il devient immotivisé. Alors, il est maintenant capable, lui aussi, ou incapable, de rester divin, ce qui fera une coloration entre l'humain et le divin. Et c'est pourquoi il aura donc des tendances à finalement dire « D'accord, je te promets que ceci, cela, cela. » OK. Est-ce que c'est à son retour, à ce moment-là, quand le Christ est revenu voir Pierre et Lazare qui est allé aux enfers? Non. Pendant les trois jours où le Nazaréen est disparu, il a gagné le monde de la mort. Le monde de la mort, ça s'est fait extrêmement rapidement, mais vu qu'il avait déjà eu un pacte avec Lazare en Atlantide, j'ai déjà expliqué à un moment donné le phénomène, c'est qu'en Atlantide, il y avait un bonhomme qui s'appelait Noé, qui était à travailler la génétique des humains sous la direction d'un Elohim, et il devait créer le chien et le chat qui devrait être le supporteur vital de l'humanité, et le chien, un de ses confidents astrales, c'est-à-dire un confident psychologique et émotif. Et comme à l'époque de l'Atlantide, la planète Terre était suffisamment chaude, il n'y avait pas encore d'eau, il y avait une immense atmosphère aqueuse, donc bourrée de particules d'eau, et le Noé savait que la Terre se refroidissant, que toutes ces particules tomberaient. Il avait donc prévu une forme de déluge. Il a bâti deux immenses boîtes de bois, deux immenses arches, dans lesquelles il a mis ses laboratoires et tous les animaux sur lesquels il travaillait au niveau de la génétique. Par la suite, il y a une de ces boîtes qui contenait d'ailleurs Lazare, qui s'est ramassée sur les terres de feu en Amérique du Sud, et l'autre s'est ramassée beaucoup plus tard, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de pluie, et la sienne était plus haute, elle s'est ramassée après un changement de l'axe planétaire sur le mont Ararat en Turquie. Le Nazaréen, enfin le Christ, va donc faire une apparition en Amérique du Sud, pas longtemps, mais il a, de toute façon, lorsqu'il fait son apparition-là, il a totalement finalisé la dissolution de ce qui reste de son humanité dans le monde de la mort. C'est pourquoi le Christ est descendu aux enfers. Je répète que l'enfer, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que vous vivez, mais vu consciemment. Alors, quand tu vas dans le monde de la mort, c'est la même chose. Tu rentres là-dedans et tu te rends compte que tout ce qui a été dit est vrai, mais on n'a vraiment pas tout dit. C'est comme de dire, une bombe nucléaire, c'est génial, l'hiver, ça réchauffe. Ah, c'est merveilleux! Puis c'est vrai, ça peut être en plein milieu de Montréal, en plein hiver, ça réchauffe. Aucun mensonge. Mais est-ce que tout a été dit et incompris, ou est-ce qu'il y a seulement une partie qui a été dit? Premièrement, il manquait de plusieurs mots pour en dire plus. Et de toute façon, si plus aurait été dit, les humains n'auraient de toute façon rien compris, ils n'avaient pas les cerveaux pour le comprendre. L'humain ne comprend qu'expérientiellement et il doit faire des parallèles entre certaines choses et lui. Comme tout à l'heure, tu parlais de gâteau, ça l'aide à comprendre. Alors, à cette époque, il n'y avait vraiment rien au niveau... L'humain n'avait pas suffisamment d'expérience, non, de connaissances. De ben, effectivement. Puis leur pain était plus sans levure, alors franchement. Il n'y a pas suffisamment de matière dans l'expérience de l'humain pour être capable de faire des parallèles suffisamment intéressants pour comprendre. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, c'est même un peu compliqué malgré tout ce que nous avons. Qu'est-ce que Merlin vient faire dans la création de la lance? Merlin, c'est un bonhomme qui travaille au niveau des forces telluriques et qui travaille, il y a de cela quelques milliers et milliers, sinon, enfin, quelques milliards d'années. Il est une consistance énergétique planétaire belzébutienne et à cette époque, il aura la capacité de préserver dans la matière des mécaniques atomiques qui se dissolveront par la densification du plan planétaire. En Atlantide, le plomb porte le nom d'oricalque. C'est une forme d'or léger. Lorsque la Terre va se densifier encore plus, cette structure atomique va perdre de sa subtilité et va lentement se densifier jusqu'à devenir extrêmement pesant, qui reste encore le plomb aujourd'hui. Donc, on ne trouve plus d'oricalque. À l'époque de Merlin, encore un peu avant l'Atlantide, en Lémurie, Merlin, qui est la personnification des forces telluriques planétaires, va engendrer différents métaux. En l'occurrence, une pointe qui, par la suite, par dégénérescence, va devenir de l'argent, une pointe, qui va placer sur un bois de lance. Il va fabriquer une épée qui s'appellera aussi Excalibur, une épée d'un métal qui n'existe plus, et l'épée n'existe plus non plus maintenant, et n'existe plus dans sa forme actuelle, la forme où Merlin l'a constituée, ou encore lorsqu'il l'a remis à la mécanique anglaise qui devait engendrer les États-Unis d'Amérique, qui vont recevoir, qui ont d'ailleurs reçu les prochaines, les phénomènes christiques qui présentement sont à l'échelle planétaire. Quand je parle de l'Amérique, je parle évidemment du Canada et des États-Unis d'Amérique. Donc, Merlin a engendré cela. Il a engendré aussi une coupe qui aurait la capacité de résonner d'une façon particulière dans sa structure atomique au sein du Nazaréen et qu'on va appeler le Graal par la suite. Alors Merlin, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? C'est simplement un phénomène géovique. Il appliquait des lois et il était simplement mécanique. Il n'avait aucune intention. Quelle était l'importance de transpercer le Christ avec cette lance-là et de ramasser le sang dans la coupe? Il fallait absolument, pour l'humain et pour Lazare surtout, conserver un mélange d'humains christifiés. Lorsqu'on perce le corps du Christ, on a un mélange d'énergie christique qui vibre encore dans son corps, mélangé à l'ego de Jésus, par le sang. Comme le sang est le vecteur qui communique l'âme, c'est-à-dire que le sang est ce qui communique le système hormonal, les hormones, qui sont engendrées chaque fois que l'âme s'exprime, quelle que soit l'émotion, il y a une mécanique hypothalamienne qui engendre une sécrétion hormonale, le sang devait couler, être récupéré et conservé à l'échelle de la planète. La lance qui n'a pas de particularité réelle avant qu'elle touche le corps de Jésus devient un phénomène intéressant qui va être recherché par Adolf Hitler et qui, tant qu'il l'aura, lui permettra de gagner son Troisième Reich. Et lorsqu'il va la perdre à Berlin, lorsqu'elle sera découverte par le général Patton, les États-Unis d'Amérique vont maintenant remporter la guerre, achever leur bombe nucléaire, puis finaliser la petite dispute avec le Japon. Au moment où le Christ est descendu aux enfers, ensuite il est disparu. On dit tantôt, l'œuf est reparti, mais il est reparti où? Tu te dis, il est encore là. Bon. Il y a deux choses qui sont intéressantes de savoir. Où l'œuf est parti, ou comment ça va se passer maintenant avec les faisceaux qui nous touchent, nous? Où l'œuf est parti en premier? Bon. L'œuf se retire de la galaxie et laisse une trace expérientielle supplémentaire dans la galaxie. L'œuf se retire, on parle de l'œuf, on parle du faisceau du Christ, Michaélien, il se retire de l'univers et laisse une expérience dans l'univers, une expérience reliée à ce qu'on appelle l'énergie bouddhique, quoique ça n'a rien à voir avec Bouddha. Par la suite, il va se retirer totalement du super-univers, il va laisser une vibration qu'on va appeler intentionnelle, que certains appellent aussi divine, qui n'a rien à voir avec les yeux. Et à part ces traces mémorielles, le faisceau lui-même a été totalement résorbé de la création, c'est-à-dire que du point de vue extra-créationnel, il n'a jamais existé. Il n'est plus là. Mais il n'a jamais été là. OK, mais donc il n'est pas là. Exact. Il est là dans la mémoire de son passage à travers la structure psychologique et astrale de l'humain, la structure supramentale de notre galaxie, la structure bouddhique et intentionnelle du reste de la création. Dans la deuxième.